Hey, franchement, il est kiffant ce son. Je me présente, je m'appelle Henri. La bonne blague. Donc en fait, c'est-à-dire qu'avec Paul, on est tombé sur un truc sympa et comme on est sur le trajet des vacances, on voudrait partager ça avec vous. Voilà les règles. Hey les gars, alors juste une petite information comme ça, un peu private, hein, c'est gratuit, c'est pour vous. Alors dans les catacombes, en fait, les gars, on s'est rendu compte que le dernier jeu à la mode, c'était en fait d'associer aux expressions courantes de la langue française comme ça, qui sont souvent séquencées en deux parties. Il y a d'abord le préposé et puis le supposé, donc il suffit d'ajouter quelque chose comme « dans ta chatte, dans ton cul ». Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Pierre qui roule dans ta chatte, n'amasse pas mousse dans ton cul. Qui peut le plus dans ta chatte, peut le moins dans ton cul. Et tous pour un dans ta chatte. Un pour tous dans ton cul. Et voilà. Les petits oiseaux, point. Ça a des plumes, point viril, et ça saute de haut en bas, point. La vie nous recommence, les petits oiseaux, point. Ça a des plumes, point virgule, et ça saute de haut en bas, point. La vie nous recommence. Oui. Ouais. Ah, la belle. Ouais, salut, je m'appelle Paul Didier Jean, je suis en vacances. Ah, mais ça, j'ai mal aux fesses. J'ai